Chapitre 30e, une tique particulièrement malfaisante. Dutilleul était ravagé, mais il se devait de garder son calme, même s'il sentait la nausée monter en lui. L'homme était tout simplement ignoble. Pire que bien des criminels endurcis qui l'avaient approché, il affichait une arrogance qui frisait l'indécence. L'homme savait qu'il était en position de force et il en abusait sans vergogne. Dutilleul comprenait maintenant le succès éclatant de CM Process. Jean-Jacques Mousseron ne devait pas perdre son temps en combats inutiles. Il devait dégoûter d'entrée ses concurrents. Il possédait une assiette financière suffisamment solide pour cela. Il pouvait se permettre de se montrer impitoyable. Il se moquait éperdument de ce que l'on pouvait penser de lui. L'homme était incontestablement dangereux. Dutilleul le rangeait dans la catégorie des vampires. Il était une tique particulièrement malfaisante que l'inconséquence de Samson Chardy avait fait grossir démesurément. Mousseron avait patiemment attendu son moment, compté chaque coup pour mieux le rendre ensuite. L'accident de Puivenage-le-Vieux était certainement beaucoup moins innocente qu'il n'y paraissait de prime abord, même si Mousseron s'était bien gardé de franchir la ligne jaune. Il était bien trop malin pour cela. C'était un calculateur. Il avait dû passer tous les risques en revue, avant d'éliminer les plus importants. Mousseron avait certainement compris très rapidement qu'il n'avait qu'à se montrer patient. « Vous aimez les puzzles ?» demanda soudain Dutilleul à brûle-pourpoint. Il eut alors la satisfaction de voir qu'il avait complètement désarçonné son adversaire. Il avait dû se perdre au milieu d'une phrase que Dutilleul n'écoutait d'ailleurs pas. « Oui, mais je ne vois guère le rapport. » Dutilleul s'entêta devant la surprise de son interlocuteur. « Je vous ai posé une question simple. Aimez-vous les puzzles ?» Jean-Jacques Mousseron eut un sourire condescendant, comme s'il prenait Dutilleul pour un simple d'esprit. « J'en faisais beaucoup étant jeune, maintenant, naturellement. » Dutilleul n'écouta pas davantage la suite de la phrase. Mousseron avait dû grandir sans amis, certainement dans une famille monoparentale aux ressources limitées. Il devait être un enfant solitaire, ce qui expliquait pourquoi il s'était accroché tel une sangsue à Samson Chardy. Les deux hommes avaient en commun la modestie de leurs origines et le fait que tous deux étaient enfants uniques, même si Samson Chardy, lui, avait ses deux parents. Même si cela ne risquait pas de lui apprendre grand-chose, Dutilleul allait soigneusement se pencher sur le curriculum vitae de son si détestable interlocuteur. Il n'était pas totalement pour rien le fils de Georges Léonce Dutilleul. Il avait l'analyse dans le sang, et il allait le passer au crible, le client. Puisque Bellegarde était revenu prématurément de vacances, il allait l'employer à fouiller le passé de cet homme, qui puait la suffisance à plein nez. Dutilleul subodorait des blessures secrètes, particulièrement profondes, qui avait dû mettre un temps infini à cicatriser, si jamais elle l'était tout à fait. Mousseron, c'était certain, avait un gros compte à régler, une haine accumulée dont Marion avait malheureusement fait les frais tout au long de sa brève existence. Mousseron ne faisait preuve d'aucun discernement en cette matière, et tant pis si la revanche était pitoyable. Il ne s'en souciait nullement, ou plutôt, il n'en prenait tout simplement pas le temps. Il agissait vilainement parce qu'il avait eu une vie laide, sans relief, sans éclat. La pente avait dû être bien rude, même si l'homme, sans être médiocre, n'avait guère possédé d'atouts sur lesquels il pouvait s'appuyer. Un physique passe-partout, une taille sans doute jugée très tôt insuffisante. Un enfant qui certes avait dû avoir l'essentiel, et même un tout petit peu plus, mais rien, qui ne lui avait permis de sortir du rang. Un enfant timide, veule, agissant toujours par derrière, qui se réfugiait dans les jupes de sa mère à la moindre alerte. Cependant, il avait dû être suffisamment intelligent pour comprendre très tôt que la vie avait certainement mieux à lui offrir que son morne quotidien. Dutilleul l'imaginait sans peine, attendant patiemment son heure. Pas un premier de la classe, non. Là, il aurait risqué de se faire remarquer. Il avait sans doute préféré rester à l'abri du troupeau, mais tout de même dans la bonne moyenne, histoire de ne pas hypothéquer prématurément ses chances. Ce qu'ignorait Jean-Jacques Mousseron, c'est que Dutilleul en avait croisé beaucoup des individus tels que lui. Cependant, aucun, même la pire crapule, n'avait mérité à ce point de se voir décerner le titre peu enviable d'ordure intégrale. Certes, l'homme pouvait légitimement se réjouir de sa réussite. Visiblement, il ne l'oubliait pas. Mais cela lui avait coûté une bonne part de lui-même, ce dont il ne semblait guère se soucier. Il avait dû renoncer depuis longtemps à toute forme de moralité, si jamais il en avait eu beaucoup. Dès son plus jeune âge, il avait dû souffrir de ne pas voir ses désirs satisfaits, d'être sans cesse confronté à des réalités économiques qu'il ne pouvait contrôler. Il avait dû se contenter de regarder, d'envier de loin. Dutilleul l'imaginait dans l'intimité de sa chambre, maudissant sa vie minable, mais se jurant bien qu'un jour il aurait sa revanche. Samson Chardy lui avait apporté sur un plateau l'opportunité qu'il espérait. C'est pourquoi il n'avait pas hésité à lui emboîter le pas, alors même qu'au fond de lui, il devait le détester cordialement. L'autre, naïf et trop heureux de faire partager sa bonne fortune avec quelqu'un qu'il prenait pour un bon copain, n'avait rien vu venir. Samson Chardy avait dû être aux antipodes de Jean-Jacques Mousseron. Là où l'un était méthodique et patient, l'autre devait être fantasque et très certainement bordélique. Mousseron avait certainement raison sur un point en dépit de toute l'amertume accumulée au fil des années. Pour Samson Chardy, ces process ne devaient représenter qu'une étape lui permettant de passer à autre chose. Comme c'était souvent le cas avec les inventeurs, il ne s'épanouissait vraiment que dans la phase de recherche. L'exploitation que l'on pouvait faire de ses trouvailles lui était sans doute parfaitement indifférente. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce n'était pas assez concret pour lui. Mousseron n'avait pas caché que le développement de certains composants, au niveau industriel, avait parfois pris des années. C'était bien trop long pour Samson Chardy, pour qui seul le résultat immédiat importait.